soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 4 février 2025. Un nouveau mois qui s'est ouvert et puis une nouvelle semaine d'informations, d'actu locale. Des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle. Avec ce programme, premier direct de cette semaine, vous avez retrouvé en ce lundi 3 février une rediffusion ou retransmission d'une table ronde de discussion réalisée lors du dernier rendez-vous de la transition écologique, date tout juste, tenu en novembre dernier 2024 autour d'écologie et justice sociale. On se retrouve pour ce direct qui sera le seul d'ailleurs de cette semaine. Autant vous l'annoncer de suite, c'est une semaine un peu particulière pour le 895 de Dio, qui va suivre à partir de demain jusqu'à cette fin de semaine, samedi précisément, eh bien nos rencontres régionales Aura FM. Nous allons nous retrouver au sein de notre fédération des radios associatives en Auvergne-Rhône-Alpes pour un temps de rencontre, d'échange de savoir ou de formation. On le rappelle, Aura FM, ce sont 39 radios associatives. Pour être plus précis, c'est plus de 3000 bénévoles, plus de 250 salariés, de nombreux et milliers d'invités par an, 22 heures de production par jour pour environ 3000 à 4000 heures de direct. 39 radios associatives qui vont donc se retrouver cette semaine dans le cadre de ces rencontres annuelles et nous serons précisément dans le massif des Bauges. Alors autant vous l'annoncer de suite, c'est un rendez-vous ou des rendez-vous croisés en termes d'infos et de ce créneau 12-13, rediffusion 19-20h ou en matinale dès 8h. Et vous serez précisément ce même mardi soir à 19h dans les Bauges avec la radio qui est basée du côté de l'Échrenne, en Savoie donc. C'est Radio Alto qui vous proposera ce soir, et c'est plutôt bienvenu dans le cadre bien aussi de notre réseau et confédération régionale, le programme mutualisé et collectif Aura des Pâquerettes qu'on vous propose de façon mensuelle. C'est en général le mercredi et c'est le quatrième mercredi de chaque mois à 10h dans la matinale et mensuelle du café. Et bien petite exception là, je vous proposerai de retrouver cette émission de ce mois de février ce mardi soir à 19h. Ce sera également jeudi à midi et vendredi à 8h. Aura des Pâquerettes, réalisé par Radio Alto. C'est un conte radiophonique qui sera proposé par cette radio associative locale autour d'altérité et radio associative, une histoire d'amour. Oui, ce sera un peu le sujet, mettre en avant les voix qui trop souvent restent inaudibles et défendre par là même le travail réalisé par les radios associatives en France. Voilà pour les programmes qui vont vous attendre cette semaine. Des mots, des sons sensibles en direct ce mardi entre 12 et 13 heures sera rediffusé ce mercredi 5 février à 8h et ce sera encore le cas ce jeudi à partir de 19h. Alors au menu de ce programme aujourd'hui, nous allons parler santé et mobilisation grève, puisque c'est un appel à la grève qui est lancé pour ce mardi 4 février pour dire non au démantèlement de la psychiatrie, à la fermeture d'une unité à Saint-Étienne et puis des pressions inacceptables, des agents exténués, un management toxique, des fermetures de lits et de services. Eh bien, les syndicats et personnels seront unis et mobilisés contre ce démantèlement de la psychiatrie. Mobilisation ce mardi 4 février. Ce sera cet après-midi au rond-point de l'hôpital Nord à partir de 13h en début d'après-midi. avant une assemblée générale qui devrait d'ailleurs se tenir dans des locaux syndicaux à partir de 15h. Alors, nous allons revenir sur cette mobilisation avec précisément la situation en psychiatrie qui a été évoquée lors du dernier conseil municipal de Saint-Étienne, dont je vous ai parlé et dont j'ai fait retour il y a quelques jours de cela, conseil municipal qui s'est tenu le 27 janvier dernier. Et parmi les trois questions orales de fin de séance qui étaient posées, une concernait précisément la situation en psychiatrie à Saint-Étienne. Ce sera l'essentiel contenu menu de ce programme aujourd'hui, avec sous forme d'agenda aussi bon nombre d'autres infos à vous faire part quelques rendez-vous à venir cette semaine. Voilà pour ce programme du jour qui va s'ouvrir comme habitude en découverte et partenariat Ferrarock, haute fédération, celle nationale bien sûr dont nous sommes membres, la fédération des radios associatives musiques actuelles ou Radio Rock de France, la Ferrarock qui vous propose double artiste album en découverte chaque semaine. Et c'est parti pour cette nouvelle semaine avec une de ses propositions, et je vous propose de nous vous arrêter sur le nouvel album de Angle Mort et Clignotant. C'est un album qui est sorti le 10 janvier dernier chez Floral Records. Alors Angle Mort et Clignotant avaient déjà fait l'objet d'un précédent partenariat dans le cadre en effet de nos découvertes et partenariats Ferrarock. Alors on retrouve toujours le côté basse rap sur une énergie assez punk finalement. Tour de France, c'est ce prochain album et nouvel album d'Angle Mort et Clignotant. Une pérégrination, nous dit-on, à travers les villes de France, avec sa dose de décalage, de gigs électroniques et de slogans ravageurs. Chaque ville est associée à une spécificité marquante, mais pas toujours celle qu'on attend. Alors qu'en est-il pour Saint-Étienne ? C'est la grande question qui peut se poser. Et pour ce, il faut écouter, bien sûr, Angle Mort et Clignotant. Et là, nous allons nous arrêter à nouveau dans la région, avec ce titre donc issu de ce Tour de France et de cet album. Et c'est la ville de Thiers, voilà, qui est là, mise à l'honneur et en chanson, en musique, par le duo Angle Mort et Clignotant, en découverte partenariat Ferrarock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Vapeur volcanique, marteau hydraulique sur la langue ou métallique. C'est chic et c'est rustique. Des centaines d'heures de travail, ça sent le fer et la limaille. Pour des siècles et des siècles, artisanal ou high tech. Plonge dans la glace, le froid, le feu d'un temps féodal et dangereux. Tiers, tiers, tiers, tiers. À l'origine d'un savoir-faire né dans la chaleur de l'enfer. Je suis multiple, indestructible, issu du brûlant combustible. Frotte-moi sur un fusil pour retrouver mon tranchant. Quelques minutes suffisent, aiguise-moi patiemment. Besoin de sentir que je suis performant. Petit ou grand, permets-moi d'être coupant. Affûter mon efficacité en dépend. Tiroir à côté découvert, je t'attends. Toutes les lames de ta vie en moi réunies. Femme, forge, lame. Coupe, coupe, coupe. Femme, forge, lame. Coupe, coupe, coupe, coupe, coupe. Forge la lame, l'éclaircisseur du cerf qui brame, l'épée du prince qui sauve la dame, le rasoir qui taille ta barbe. À l'heure de l'heure joyeuse, je deviens tondeuse, je sors du garage au printemps. Parce que la pelouse est importante, besoin d'un plein de carburant pour alimenter mon de temps. Je laisse les brins d'herbe en suspens, l'odeur du gazon dans le vent. Quoi que les gens disent, au départ, malgré le métal, je suis pas méchant. Même utilisé au détour d'une bagarre, c'est pas vraiment ma faute si ça fait du sang. Je suis ton sécateur, je suis toujours à l'heure pour découper des fleurs et emporter ton cœur. Je suis ton sécateur, je suis toujours à l'heure pour découper des fleurs et emporter ton cœur. Flamme, forge, lame. Coupe, coupe, coupe. Flamme, forge, lame. Coupe, coupe, coupe, coupe, coupe. Je suis ton sécateur, je suis toujours à l'heure pour découper des fleurs et emporter ton cœur. Je suis ton sécateur, je suis toujours à l'heure pour découper des fleurs et emporter ton cœur. Et oui, sans véritable surprise, nous étions à Thiers, la ville de Thiers, avec Angle Mort et Clignotant. Comme je vous le disais, Angle Mort et Clignotant, le duo revient avec ce nouvel album et fait son tour de France avec différentes villes, à la spécificité marquante et pas toujours celle qu'on attend. Néanmoins, je le disais, peu de surprises avec Thiers, oui, ville de la forge et capitale de lame et de couteau, bien sûr. Mais d'autres villes abordées dans ce Tour de France par Angle Mort et Clignotant. Et je vous l'annonçais, qu'en est-il de Saint-Étienne ? Eh bien, non présente dans ce Tour de France d'Angle Mort et Clignotant. 12 titres, 12 villes. On retrouve au-delà de Thiers, eh bien, Nice, Charleville-Mézières, Aurillac, Caen, Toulouse, Dax, Lyon, Nantes, Brest, Strasbourg, Roubaix. Voilà, ça c'est le Tour de France d'Angle Mort et Clignotant. Et c'est un album qui est sorti ce 10 janvier dernier chez Floral Records. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous en saurez davantage. Eh bien, en écoutant les stations Ferra, bien sûr, qui vous annoncent, présentent, programment ces albums toute cette semaine. Et puis en écoutant, bien sûr, le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, qui eh bien, proposera une interview d'Angle Mort et Clignotant, réalisée par Radioactive d'ailleurs, dans ce programme de cette fin de semaine. L'autre découverte, c'est Jaen et l'album The Adventurous Life and Fake Death of Jaen Horseman, une interview réalisée par Radio 666. Voilà, donc on est pour les villes et continuer ce Tour de France Ferra entre Saint-Brieuc et Caen. Et puis vous retrouverez encore une carte blanche avec un live de Agathe Plaisance. C'était au bar en Trans 2024. Dig Dig Digger, ce sera sur Duo ce vendredi 12h-19h, lundi en matinale dès 8h. Et puis vous avez encore bien sûr d'autres infos en consultant le site dédié ferrarock.org. Les syndicats FO et CGT, saisis par les personnels soignants de psychiatrie, dénoncent le démantèlement en cours de la psychiatrie au centre hospitalier universitaire, le CHU de Saint-Étienne. C'est une pétition qui a été lancée ce lundi 3 février. J'en reprends eh bien, le principal, situation préoccupante, qui se traduit par une fermeture progressive des lits d'hospitalisation, moins 30 lits en 3 ans, et des services de psychiatrie, fermeture en cours de l'unité d'admission numéro 4. Ceci va à l'encontre des obligations de service public de l'hôpital. Il est essentiel d'assurer un accès aux soins pour tous, en défendant à la fois le personnel dévoué et le service public. Pour cela, il s'agit de résister fermement contre ces changements qui mettent en péril la capacité du CHU à répondre aux besoins de santé mentale de la population ligérienne. Il s'agit d'assurer des soins de qualité et une prise en charge humaine en psychiatrie, dimension allègrement négligée dans les discussions actuelles sur la santé. Les hôpitaux doivent rester des sources de soutien et de guérison pour la population. La suppression progressive des services de psychiatrie est une menace réelle et sérieuse pour tous. Il est crucial de rappeler que, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur quatre dans le monde sera touchée par des problèmes de santé mentale à un moment de sa vie. Cela souligne l'importance vitale de disposer d'installations de santé mentale robustes et accessibles. C'est la raison pour laquelle les syndicats FO et CGT appellent à un arrêt immédiat du démantèlement de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, qui remet en cause le principe d'égalité dans l'accès à des soins de qualité pour tous, principe protégé par le Code de la santé publique et pilier de notre protection sociale. Une pétition lancée ce 3 février que vous pouvez retrouver en ligne via notamment le site change.org, stopper le démantèlement de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Cela alors que se tient aujourd'hui une grève, ce mardi 4 février. Les syndicats en effet appellent à la grève à partir de ce jour pour dire non au démantèlement de la psychiatrie, à la fermeture de l'union d'admission 4 et aux pressions inadmissibles et inacceptables. C'est cet après-midi, rendez-vous est donné au rond-point de l'hôpital Neur pour la mobilisation en début d'après-midi avant une assemblée générale qui devrait se tenir à partir de 15h dans les locaux syndicaux. Appel à manifestation, à mobilisation, des agents, agentes exténués, un management toxique, des fermetures de lits et de services. L'occasion de revenir sur ce point, puisque lors du conseil municipal de Saint-Étienne de ce 27 janvier dernier, dont je vous ai largement fait part sur cette antenne, mais nous n'avions pas abordé ce point qui avait été abordé en fin de séance, en questions orales. Trois questions orales étaient posées, dont l'une d'elles portant précisément sur la situation psychiatrique à Saint-Étienne. C'est une question orale posée par le groupe communiste lors de ce conseil municipal de Saint-Étienne du 27 juin dernier. C'est précisément Christelle Pfister, groupe communiste, donc de l'opposition, qui intervenait et donc prenait la parole. Avant réponse, vous l'entendrez à la fois du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et de Nadia Semach, sixième adjointe en charge précisément de la santé publique. Il y a quelques jours, le 17 janvier dernier, les représentants syndicaux CGT du CHU alertaient le préfet de la fermeture de 19 lits d'une unité de crise sur le secteur de Saint-Étienne. La psychiatrie stéphanoise comme la psychiatrie française va mal et ne répond plus aux besoins des usagers. Pour rappel, en octobre 2015, le CHU annonçait sur son site 438 lits en psychiatrie. En 2021, il n'y en avait que 215. Et maintenant, en 2025, une suppression de 19 lits est annoncée. Il faut attendre plus de 12 mois pour avoir accès aux centres médico-psychologiques du secteur. Nous avons tous et toutes en mémoire le rapport de la contrôleuse des lieux privatifs de liberté de 2018 dénonçant les conditions déplorables et indignes d'accueil des malades et de travail des soignants. Pendant ce temps, vous et M. Michaud, vous étiez et vous êtes encore membre de la commission du conseil de surveillance avec voix délibérative. Bien sûr, il y a eu les 2 ans de pandémie Covid qui a mis à mal la santé mentale de bon nombre de personnes. Les 2 ans du dispositif Santé Psycho a eu sa pertinence, mais sa reprise dans quelques semaines ne pourra remplacer un service de crise. Tout comme le listing de professionnels et associations que le site de la mairie propose dans la rubrique Conseil local en santé mentale ne pourra remplacer ce service qui ferme. Comme le rappelle le courrier des agents, une unité de crise a toute son importance dans la réponse aux besoins de santé des Stéphanois, notamment pour ceux et celles en grande souffrance et en grande précarité, pouvant conduire à des actes parfois irrémédiables. Les professionnels de la santé mentale sont épuisés par la dégradation de leurs conditions de travail, entraînant une perte de sens. Ils sont épuisés à défendre ces services indispensables à la psychiatrie. Il y a eu 7 médecins en 7 ans. Monsieur le maire, serez-vous à leur côté pour défendre un service utile à la santé mentale de la population stéphanoise ? Si oui, que comptez-vous faire ? Merci Madame Pfister, c'est une question extrêmement grave et importante. On va vous répondre à deux voix, comme vous m'avez interpellé en tant que président du conseil de surveillance du CHU. Et puis je donnerai la parole à ma collègue Nadia Semach en charge de la santé, parce que s'il y a bien un sujet de santé sur lequel nous nous sommes beaucoup investis depuis 5 ans maintenant, c'est bien celui-là. D'abord, je voudrais recontextualiser en rappelant que le CHU dispose de 177 lits d'hospitalisation complète et de 205 places d'hospitalisation de jour en psychiatrie. Ça permet peut-être d'avoir un regard un peu plus objectif sur l'unité d'accueil dont vous parlez, qui dépend du secteur psychiatrique de Saint-Étienne, avec 2 autres unités sur les 8 du CHU et qui comportait jusqu'en juillet dernier 18 lits. C'est vrai qu'elle connaît depuis de nombreuses années un turnover médical important, compte tenu de la nature des patients qui y sont pris en charge, essentiellement des patients sous contrainte. Le praticien qui en assurait la responsabilité s'est arrêté au mois d'août et l'unité a été intégralement fermée jusqu'en septembre, puis a rouvert en septembre avec une capacité limitée à 10 lits sur les 18. Et le praticien en question a fait savoir la semaine passée qu'elle allait prochainement quitter l'unité. Aucun autre médecin du secteur de Saint-Étienne, dont le chef de service est le professeur Fakra, à qui je voudrais rendre hommage, ne souhaite intervenir au sein de cette unité. Il n'y a donc, au moment où je vous parle, aucune alternative à cette fermeture. Et il ne s'agit pas d'une question ni de moyens, ni d'une question d'activité, mais tout simplement d'une stricte question de couverture médicale et de professionnels de la psychiatrie à mettre en face des patients. Contrairement aux informations diffusées par la CGT et que vous avez citées, je vous affirme que la direction n'a pas repris de moyens dans l'unité, mais le maintien à 10 lits aurait amené un redéploiement vers la création d'une équipe de transfert de patients de psychiatrie servant à tous les secteurs. L'objectif, c'est de rouvrir cette unité et dans l'attente, le CHU va mettre en œuvre un projet du professeur Fakra qui se traduit notamment par la création d'une équipe mobile de crise qui se projettera auprès des patients. Le travail est déjà en cours pour la constituer et pour être complet dans l'information, à ce jour, il reste 7 patients dans l'unité d'accueil numéro 4. En complément, j'aimerais que Nadia Semach nous dise également les initiatives qui ont été prises sur cette question sensible. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, je vais compléter vos propos, car votre question, Madame Pfister, met en lumière un enjeu majeur, la santé mentale de nos concitoyens. Il est important de rappeler que la santé mentale, selon l'OMS, ne se limite pas à l'absence de troubles psychiques. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition souligne à quel point la santé mentale touche à toutes les dimensions de la vie quotidienne et nécessite une approche globale et également travailler sur la prévention. En tant que municipalité, même si la santé n'est pas une compétence des villes, nous avons le pouvoir d'agir sur de nombreux déterminants, l'urbanisme, le logement, le lien social, l'accès aux espaces verts ou encore la réduction des nuisances sonores. Ces leviers combinés permettent de créer un environnement plus favorable à la santé mentale et nous les avons inscrits dans notre contrat local de santé. Dans cet esprit, la ville de Saint-Étienne a mis en place son conseil local de santé mentale. Il a toute son importance, vous pouvez me croire. C'est un outil essentiel pour coordonner des efforts de tous les acteurs locaux, aux côtés de l'Agence régionale de santé de Saint-Étienne Métropole, de l'ADET, du CHU et des associations spécialisées. Ce conseil permet de mieux comprendre les besoins des habitants et de proposer également des actions adaptées. Le point écoute, Saint-Étienne et sa couronne, donc ouvrira ses portes en février. C'est le recrutement de 3 psychologues qui vont intervenir à la fois pour les habitants de Saint-Étienne, mais également les habitants de la périphérie, c'est Rive-de-Gier, Andrézieux-Boutéon et la Ricamarie. Par ailleurs, nous avons également intensifié notre engagement auprès des jeunes, notamment à travers des actions en milieu scolaire, des ateliers de sensibilisation sur des sujets comme le harcèlement, l'impact des écrans ou encore la gestion des émotions sont proposés dans les écoles. Une séquence spécifique dédiée à la santé mentale a même été conçue pour les élèves de CM1 et CM2, une démarche innovante et unique en France. Ces initiatives ne se limitent pas aux enfants, elle s'adresse également aux parents avec des sessions de sensibilisation pour leur donner des outils face aux défis que peuvent rencontrer leurs enfants. C'est également la formation des agents de la ville de Saint-Étienne, de la petite enfance, les agents du service éducation, avec la mise en place d'ateliers pour aborder la question de la santé mentale. Les conditions de vie, notamment en matière de logement, ont un rôle à jouer dans la santé mentale. Nous savons que l'habitat indigne, ce dossier est traité par ma collègue Laura Signeri, est souvent une source importante de stress et d'anxiété. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour lutter contre ces situations tout en veillant à garantir un accès équitable à des logements de qualité. Ces actions visent à réduire l'impact des conditions de vie sur le bien-être psychologique. L'environnement urbain joue également un rôle déterminant. Nos projets d'aménagement prennent systématiquement en compte les liens entre santé mentale et cadre de vie. Le jardin d'Éden en est un exemple. La végétalisation des espaces publics, les écoles par exemple, la création d'espaces verts accessibles et le développement d'infrastructures qui encouragent les mobilités actives comme la marche et le vélo. Cela permet de favoriser le bien-être et d'améliorer le quotidien des habitants. Au-delà de l'aménagement et des infrastructures, le lien social reste un pilier essentiel pour prévenir l'isolement. Nous soutenons des initiatives qui favorisent ce lien, telles que les maisons de quartier, les jardins partagés ou encore des événements culturels inclusifs. Ces projets participent directement à la prévention des souffrances psychiques et à la promotion du bien-être social. Enfin, nous savons que la santé mentale reste parfois un sujet tabou, déstigmatisé et informé sont des priorités pour nous. C'est pourquoi nous organisons chaque année les semaines d'information sur la santé mentale qui permettent de sensibiliser le grand public et de lever les barrières liées à la peur ou à la méconnaissance des troubles psychiques. Nous avons également élaboré un guide pratique sur les troubles psychiques pour accompagner les familles, mais également les aidants. Toutes ces actions, bien qu'importantes, ne prétendent pas remplacer les soins prodigués par les professionnels de santé mentale, mais ils viennent les compléter. Nous avons la conviction également que les collectivités territoriales, par leur proximité avec les habitants et leur capacité à intervenir sur les déterminants de santé, ont un rôle complémentaire à jouer. Et encore plus aujourd'hui, la santé mentale sera la cause nationale en 2025. Merci, Monsieur le maire. Cause nationale en 2025. Et au-delà du bien-être, et bien de mal-être, véritablement, il est question et décision inacceptable et incompréhensible selon les personnels du CHU de Saint-Étienne qui sont aussi invités par l'intersyndicale CGT-FO à se mobiliser aujourd'hui, mardi 4 février, contre le démantèlement de la psychiatrie publique du sud du département. Rendez-vous en début d'après-midi à partir de 13h au rond-point de l'hôpital Nord avec distribution de tracts qui sera effectué. Cela fait suite à l'annonce par la direction de l'établissement à cette fermeture d'une unité d'hospitalisation de 19 lits en psychiatrie, unité absolument indispensable, rappelle l'intersyndicale. Le secteur de la psychiatrie à Saint-Étienne serait l'un des 5 plus grands de France au regard du périmètre de la population et le nombre de patients atteints de troubles psychiques sévères. Voilà, donc mobilisation ce jour contre le démantèlement, je le disais, de la psychiatrie, des agents exténués, un management toxique et donc ces fermetures de lits et de services annoncées. Et simplement en lien, puisque Saint-Étienne entend faire du bien-être social l'un de ses grands piliers, notamment pilier de mandat actuel jusqu'à 2026. Précisément aujourd'hui, 4 février, c'est également, et c'est le CHU de Saint-Étienne qui nous a annoncé également cette journée mondiale contre le cancer qui a lieu aujourd'hui, ce 4 février, une journée toujours particulièrement importante pour tous les patients atteints de cette pathologie grave. Et le CHU de Saint-Étienne nous rappelle qu'il reste un acteur engagé dans la lutte contre le cancer. Donc, autre activité et autre question de santé aujourd'hui en ce 4 février. Et simplement aussi, vous annoncez que l'Institut National du Cancer a sollicité et sollicite finalement les collectivités locales, estimant qu'elles ont un rôle à jouer important dans la prévention des cancers, et notamment sur la ville de Saint-Étienne. Alors, l'Institut National du Cancer avait lancé, il y a un peu plus d'un an, le club Collectivité et Prévention des Cancers. Et précisément, après les villes du Havre ou Paris, eh bien, c'est Saint-Étienne qui rejoint finalement aussi le club, si je puis dire ainsi, en signant une charte, il y a tout récemment, qui comprend différents engagements. On sait la ville aussi engagée dans un plan cancer, localement pour tenter de lutter plus efficacement. Bref, il faut croire que tout va bien ou pas trop mal. Faut croire que c'est aussi un titre issu du nouvel album de Pneu que je vais vous proposer tout simplement de découvrir, le duo Noise de Tours qui revient après 9 ans d'absence. Album de 11 titres, une tournée 2025 en préparation. Groupe formé, je le rappelle, en 2006. 3 albums et d'autres productions ici et là, hyper actifs et prolixes. Il s'agit du duo Jean-Baptiste, composé de Jean-Baptiste Geoffroy et Jérôme Vassereau, qui ont d'autres projets aussi aventurés les uns que les autres. On pense à Tachycardie, Francky Ghost ou Pointe-à-Pitre, La Colonie de Vacances et j'en passe. Bref, un nouvel album intitulé Get Old or Die Trying, sorte de clin d'œil à 50 Cent au cas où. Album de la maturité, selon le duo, c'est toujours drôle de le dire ainsi. En tout cas, cet album sortira ce 7 février. Et donc, je vous propose ce titre, troisième plage de cet album. Faut croire que, pas Pneu. Et oui, l'album peut séduire autant qu'il peut dérouter, toujours très coupé, décalé, toujours très mat noise finalement, comme le propose le duo Pneu Get Old or Die Trying, sortira ce 7 février via Head Records. Et c'était juste une petite plage courte et instrumentale pour respirer entre guillemets dans ce programme Démo des sons sensibles qui se poursuit avec d'autres infos actuelles à vous faire part. Et je vous l'annonçais en toute ouverture de ce programme de par la programmation diophonique de cette semaine et notamment ce rendez-vous mensuel habituellement 4e mercredi du mois 10h au Ras des Pâquerettes, notre programme mutualisé et collectif avec notre Confédération régionale pour l'émission de février qui vous sera proposée le mercredi, 4e mercredi de ce mois de février, et que je vous proposerai en avant-première finalement ce mardi 4 février 19h, jeudi 12h et vendredi 8h. Autant vous annoncer justement les mensuels du mercredi matin du café 10h, puisque nous serons ce mercredi 5 février, le premier mercredi du mois. Et vous aurez rendez-vous avec le programme aussitôt dit. Vous savez, c'est le principe du mercredi matin 10h, alternance de programmes mensuels. Vous retrouvez Au Ras des Pâquerettes, l'émission BD au Rieur Sanglier, Les Baladeuses, et puis aussitôt dit, l'association de philosophie qui nous vous propose chaque mois une conférence de l'hôtel de ville Archive. Tout cela en vue de vous annoncer aussi la conférence de l'hôtel de ville à venir. Et ce sera le cas ce mercredi 5 février 10h où nous aurons le plaisir de vous proposer une conférence de novembre 2018. Conférence de l'hôtel de ville qui se tenait donc à l'hôtel de ville, Salariété de Brion. L'association de philosophie aussitôt dit invitait Paul Jorion à propos de son livre « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie » qui était paru aux éditions Fayard en 2017. En voilà un bien beau programme que vous aurez l'occasion de découvrir donc et de retrouver ce mercredi matin à 10h ce 5 février sur le 895 de Dio. Ces archives sont en général aussi dans la foulée mises en ligne sur le site de l'association aussitôtdit.net. Et tout cela pour vous annoncer la prochaine conférence de l'Hôtel de Ville qui se tiendra précisément ce jeudi 6 février à 19h à l'Hôtel de Ville, salle 119. Et l'association de philosophie aussitôt dit invite cette fois Anne-Laure Delatte à propos de son livre « L'état droit dans le mur, rebâtir l'action publique » qui est paru aux éditions Fayard en 2023, Militants écologistes, gilets jaunes, féministes, ONG, beaucoup cherchent aujourd'hui des solutions en dehors de l'État plutôt que dans l'action publique. Comment en est-on arrivé là ? L'État providence a-t-il cédé la place à un État au service du marché ? Eh bien, voilà de vastes et grandes questions ô combien d'actualité et tout à fait en lien avec, bien sûr, la conférence archive que nous allons vous proposer. Voilà, Anne-Laure Delatte est partie donc à la recherche de données sur l'action publique en France depuis l'après-guerre. Elle est économiste et chercheuse au CNRS. Et vous aurez donc l'occasion de la retrouver pour cette nouvelle conférence ce jeudi à partir de 19h, salle 119, à l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Rencontre qui sera animée par Michel Bellet, professeur émérite d'économie de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et ce jeudi 6 février, tout cela pour faire aussi transition avec notre sujet du jour et la première partie de ce programme, nous sommes revenus sur le conseil municipal de Saint-Étienne. Et bien ce jeudi 6 février se tiendra la nouvelle séance et première aussi de cette année 2025 du conseil métropolitain, conseil de Saint-Étienne Métropole. Et oui, le conseil municipal s'est tenu le 27 janvier dernier, les prochaines séances d'ailleurs du conseil municipal de Saint-Étienne auront lieu le 31 mars prochain, puis le 2 et 30 juin prochain. Mais la première séance 2025 de Saint-Étienne Métropole, de ce conseil métropolitain, se tiendra à 15h au musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole ce jeudi après-midi. Et précisément, vaste sujet, encore un ordre du jour, on imagine chargé, qui va être proposé pour cette nouvelle séance. Mais en tout cas, un autre sujet dont je vous avais déjà aussi fait part sur cette antenne en retour d'un autre conseil métropolitain qui abordait la question de la situation financière, de la cité du design, pardon. Alors, précisément, je dirais étrange coïncidence, ou presque, puisque ce jeudi 6 février, aura lieu une présentation à la presse de la 13e édition de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne, en présence des commissaires invités des expositions et puis des élus en charge de la cité du design. Cette présentation aura lieu ce jeudi matin pour cette Biennale international du design qui se tiendra pour cette 13e édition. Cette année 2025, ce sera du 22 mai au 6 juillet prochain avec la thématique « Ressources présagées demain ». La cité du design et le design qui est au cœur de... discussions et voire conflits actuellement entre notamment Marc Chassot-Bénné et l'opposition, et notamment divergences au sein du conseil métropolitain et des différents maires des communes de Saint-Étienne Métropole sur cette question. Cela avait été abordé lors d'une séance l'année dernière, dont je vous avais fait part sur cette antenne, et voilà que cela va à nouveau être à l'honneur ce jeudi après-midi, sans nul doute, puisque nous avons reçu hier un communiqué de presse concernant la transparence sur la situation financière de la cité du design. Le compte n'y est toujours pas, rappelle ce communiqué dont je vais vous faire part. Il est signé du groupe Saint-Étienne Demain, mais signataire, je le disais et je vous le préciserai, d'autres maires et conseillers métropolitains. Alors que nous avions demandé, je cite, « la transmission de documents permettant de mieux appréhender la situation réelle de l'EPCC Cité du Design ». L'EPCC, c'est l'établissement public de coopération culturelle dont t'es... tout simplement président Marc Chassot-Bénné, qui est donc également adjoint à la culture de la ville de Saint-Étienne. Donc le président Marc Chassot-Bénné de l'EPCC Cité du Design, donc, qui vient d'envoyer, et cela avait été fait donc à de multiples reprises, une seule analyse financière réalisée par le cabinet KPMG portant sur la période 2017-2026. Il manque bien d'autres documents, notamment ceux évoqués par Marc Chassot-Bénné lui-même en décembre 2023, mentionnant plusieurs audits qui auraient été conduits, dont deux analyses juridiques réalisées par deux cabinets différents, et puis bien sûr l'audit financier de Saint-Étienne Métropole. Quant à la note de contexte, elle n'apporte malheureusement pas grand-chose. Elle se contente de reproduire des phrases du rapport sans les mettre en perspective par rapport à la réalité actuelle. Par exemple, la note mentionne que les éléments sur la Galerie nationale du design n'ont pas été pris en compte car non connus lors de l'analyse financière et devaient faire l'objet de travaux en 2022. Pourquoi ne les a-t-on pas aujourd'hui ? Le principal enseignement de cette analyse, c'est la fragilité de l'EPCC en lien avec un déficit structurel nécessitant une forte dépendance au financement public. En réalité, nous avions déjà pointé de longue date cette situation, notamment lors de la campagne municipale de 2020, à l'occasion de laquelle plusieurs d'entre nous avaient insisté sur la nécessité pour l'EPCC de diversifier ses ressources. La création, poursuit ce communiqué de l'opposition Saint-Étienne Demain, la création de la filiale Cité Service en 2020 avait d'ailleurs pour but d'y répondre en allant chercher d'autres sources de financement. Mais cette filiale a été visiblement sous-dimensionnée avec des fonds propres d'à peine 20 000 euros et de lourdes contraintes financières imposées dès le départ. L'analyse du cabinet KPMG projetait néanmoins des recettes attendues à hauteur de 389 000 euros à l'horizon 2026. Là encore, M. Chassomédé ne nous dit rien de la réalité de ces recettes aujourd'hui. Au final, malgré les ajustements réalisés, la situation de dépendance au financement public reste entière. Elle s'est même aggravée au regard de la raréfaction des ressources publiques. De fait, avec la baisse de la subvention de la région et la stabilisation de celle de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc dépendante de l'État, l'essentiel de l'effort se concentre toujours plus sur notre métropole. C'est dans ce contexte que Marc Chassobéné a engagé un bras de fer avec notre collectivité, dont il est pourtant vice-président, en décembre dernier, décembre 2024. Après avoir menti aux agents sur la diminution de notre dotation à l'EPCC, il s'est servi d'eux dans un chantage à l'emploi insupportable pour obtenir une rallonge de la part de Saint-Étienne Métropole. Comment lui faire confiance désormais, alors que sa parole n'a eu de cesse d'être prise en défaut ces dernières années ? Ainsi, les nouveaux statuts adoptés en 2023 devaient permettre de sanctuariser l'école d'art et de design. Pourtant, 2 des 8 suppressions d'emplois annoncées concernent des enseignants. La légèreté dont il a fait preuve en ne découvrant qu'au bout de 2 ans les malversations de son directeur et son incapacité à se remettre en cause, comme après l'échec retentissant de la Biennale 2022, tendent plutôt à nous inquiéter. Pour toutes ces raisons, nous considérons que Marc Chassobéné n'est pas la personne la mieux placée pour défendre les intérêts de la Cité du Design ou ceux de la métropole, à l'heure où sa pérennité même n'est pas assurée. Nous lui demandons d'en tirer toutes les conséquences. En outre, au regard de la fragilité structurelle du budget de fonctionnement de l'EPCC, il devient urgent de réinterroger les investissements pharaoniques prévus dans le cadre du projet Cité 2025, initialement à hauteur de 60 millions d'euros, car dans de telles circonstances, il est à craindre qu'ils ne servent à financer des bâtiments qui ne seraient que des coquilles vides à terme. C'est signé Isabelle Dumès, François Boyer, Ali Rasfi, Laetitia Valentin, donc conseiller, conseillère métropolitain, métropolitaine, qu'on retrouve également sur les bancs de l'opposition sur la ville de Saint-Étienne, mais est signé également par ce communiqué et rejoint par d'autres conseillers et conseillères métropolitains et métropolitaines. C'est le cas du maire de la Récamarie, Cyril Bonnefoy, Marc Chavanne de Saint-Jean-Bonnefonds, Germain Colombet pour Saint-Étienne, Marie-Pascale Dumas de la Récamarie, Jean Duverger pour Saint-Étienne, Michel Gondillon de la commune de Fontanay, Daniel Grandfort pour la ville de la Talaudière, Olivier Longeon, conseiller métropolitain pour la ville de Saint-Étienne, Corinne Servanton pour Saint-Jean-Bonnefonds, Marine-Christine Thivan, mairesse de Sorbier, Julie Tocchi pour Saint-Étienne ou Jacques Valentin également pour la commune de Sorbier. Donc voilà à nouveau un communiqué qui donc questionne et interroge sur la transparence donc, et la situation financière de la Cité du Design, qui ne manquera pas, je l'imagine, d'être à nouveau à l'ordre du jour de ce conseil de Saint-Étienne Métropole qui aura lieu ce jeudi après-midi. Sachant, et pour le préciser, que cette filiale Cité-Service dont il est question dans ce communiqué eh bien, est en cours de liquidation judiciaire et devrait disparaître d'ici la fin de l'année. Voilà en tout cas concernant toujours cette situation complexe et épineuse du côté de la Cité du Design de Saint-Étienne. des modestions sensibles en forme d'agenda pour poursuivre avec, alors on l'évoquait, mobilisation du côté de la santé et de l'hôpital Nord et du CHU aujourd'hui sur le démantèlement du service psychiatrique. Eh bien, autre rassemblement prévu cette semaine. Et ce jour, ce 4 février, notamment ce mardi, attention si vous suivez Choper la Rediff, mais c'est un rassemblement contre la loi plein emploi. Ce 4 février qui est une journée nationale de lutte des privés d'emploi et précaires contre cette loi plein emploi. Et à Saint-Étienne est organisé un rassemblement qui tiendra place Jean Jaurès en fin de journée. Le collectif, notamment des travailleurs précaires, CGT, nous rappelle que depuis le 1er février 2025, le conditionnement des allocations chômage et du RSA à 15 heures d'activité minimum va être étendu à la totalité du territoire. Suite à l'application de cette loi plein emploi, loi qui va broyer les publics les plus fragiles et porter une grave atteinte au service public de l'emploi. Et puis, il rappelle également que c'est toujours plus de cadeaux pour le patronat en contraignant les privés d'emploi à accepter les emplois à mi-temps ou quelques jours par mois pour toucher le chômage ou le RSA, en mettant ainsi la pression sur les salaires. Pourquoi payer des salaires alors que des pauvres doivent faire le travail gratuitement, en faisant de l'accompagnement et de la formation des privés d'emploi un business? Je rappelle que et le calcul a été fait que les sous-traitants privés de Pôle emploi ont coûté 1,6 milliard d'euros. Bref, il s'agit donc de se mobiliser et un rassemblement est prévu. C'est ce mardi 4 février à 18h30, place Jean Jaurès, pour exiger l'abrogation de la loi plein emploi et défendre les droits, bien entendu. Autre mobilisation sous forme de commémoration. En ce jeudi 6 février, commémoration stéphanoise qui s'insère dans le cadre d'une mobilisation unitaire, transnationale et décentralisée qui a lieu chaque 6 février dans plusieurs pays du monde. C'est un appel global qui notamment a été rappelé sur cette antenne en accueillant l'organisation Alarmphone il y a quelques jours de cela dans ce même programme qui nous avait informé de cette action prévue ce 6 février et qui est relayée là sur le site participatif collaboratif sur lequel je vous renvoie pour précisément quelques retours notamment sur des infos communiquées parfois ici, plus détaillées et en ligne. C'est le site participatif collaboratif le numéro 0.info et donc sur lequel se retrouve cet appel global pour cette commémoration du 6 février, journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles. Le 6 février 2024, une grande mobilisation transnationale a marqué les 10 ans de commémoration. Le 6 février 2025, ce jeudi, sera souhaité amplifier davantage cette mobilisation en soutien aux familles des personnes décédées ou disparues en migration. Le 6 février 2014, plus de 200 personnes parties des côtes marocaines ont tenté d'accéder à la nage à la plage de Tarajal, dans l'enclave coloniale espagnole de Ceuta. Pour les empêcher d'arriver en terre espagnole, la Guardia Civile a utilisé du matériel anti-émeute, tandis que les militaires marocains présents ont laissé les personnes se noyer devant eux. 15 corps ont été retrouvés côté espagnol, des dizaines d'autres ont disparu, les survivants ont été refoulés, certains ont péri côté marocain. Depuis plus de 30 ans, la violence directe ou indirecte du régime des frontières ne cesse de produire morts et disparitions. Le long des routes migratoires, les naufrages se succèdent avec la non-assistance et parfois la responsabilité active de garde-côtes et de Frontex. Le nombre de personnes disparaissant sans laisser de traces en mer ou dans le désert ne cesse d'augmenter et les activités de recherche et d'identification des corps de la part des autorités sont trop souvent expéditives et n'impliquent pas les familles touchées par ces deuils. Depuis plus de 30 ans, les familles et les proches, les associations et toutes celles et ceux qui luttent pour un droit égal à la mobilité n'ont cessé de réclamer vérité et justice pour ces victimes, de souligner les responsabilités des politiques migratoires racistes, de travailler pour prouver ces responsabilités, pour soutenir les familles et les proches dans leur douloureux parcours de recherche des disparus et d'identification des victimes. À partir de l'année dernière, 2024, le réseau Commémoration s'est doté d'un site pour recenser les mobilisations qui ont lieu le 6 février de chaque année, mais qui veut aussi mettre en avant la dimension collective, coordonnée et commune de ces mobilisations. Une mobilisation qui témoigne d'un engagement constant des associations, des collectifs et surtout des familles en quête de vérité et de justice. Vous avez précisément le site Commémoration, https://commémoration, tout accroché en minuscule, .net. pour en savoir davantage et retrouver diverses informations relatives à ces initiatives, initiatives locales à Saint-Étienne. Je le rappelle, ce sera ce jeudi 6 février. Rendez-vous et rassemblement à partir de 18h à la place du peuple de Saint-Étienne. Information locale et culturelle pour poursuivre avec une proposition musicale et concert. Un événement partenaire qui se tient du côté de la salle Le Fil. Cette fin de semaine, soirée plutôt rap hip-hop, ce 7 février, c'est un nouveau partenariat Le Fil Duo en ce début d'année 2025. L'affiche de ce 7 février verra se partager l'artiste A2H, de retour avec un nouvel album, et puis le rappeur stéphanois Kurden, que l'on suit depuis quelques temps déjà sur cette antenne, qui depuis quelques années maintenant a intégré la Big Eye, ce fameux collectif stéphanois émergent qui met aussi en avant ses artistes locaux. C'est des prods assez variés, on va de des choses très boom bap, trap, rap. Je vous propose de pourquoi pas découvrir ou redécouvrir Kurden, qui sera donc à partager l'affiche avec A2H ce 7 février 20h30 salle Le Fil, et pour ça nous avons des places à vous proposer. N'hésitez pas à nous contacter au bout du fil, c'est le 04 77 25 05 94 ou un petit mail si vous chopez la rediff à redac@radiodio.org. Je suis jamais loin de chuter quand démon frappe à la fenêtre. Du mauvais côté du page qui caque ça à faire. Ça me fatigue quand je me lève, gros, je passe à la sieste. Ce foutu jeu d'acteur en casting me fracasse la tête. Je viens nulle part et c'est tant mieux. Je fais sans dilettante et je finis devant. Juste attendre le temps que l'empire s'étende. On n'a pas besoin d'assistance, on est vite rodé. J'attends la suite, je danse, navigue dans substance, vite monnaie. Je veux faire torer là ton germe, c'est ce qui pousse à me péter la voix. Tu fais le fier, connard, même pas ton frère va plaider ta cause. On me répète trop de vouloir la paix jusqu'à ce qu'on se fasse la guerre, moi. Je suis incapable de faire des choix. J'attends que tout se casse la gueule, mais faut pas tomber. Il est mon promis des montagnes de billets, j'attends la tombée. Dans le crâne, tant de galères à tomber, j'aignerai pas les raconter. Si je suis pas devant l'écran, c'est que je stude ou que j'hiberne. Des fois, je me dis, fuck cette vie, fuck l'orage, fuck Olivier. Puis je gratte sur un rythme de bâtard, une caisse claire, un kick qui ne passe. Quelques névroses, quelques cavas, quelques barres et quelques écrits de passage. Ouais, je reste de côté ces temps-ci, on rêve de popper ces temps-ci. Faut que je fasse durer cette étincelle, ciel à mes côtés ces temps-ci. Ouais. J'suis jamais loin de chuter, j'suis jamais loin de chuter. J'suis jamais loin de chuter, j'suis jamais loin de chuter, hey. J'suis jamais loin de chuter quand démon frappe à la fenêtre. J'suis du mauvais côté du page qui caque ça à faire. Ça me fatigue quand je me lève, gros, je passe à la sieste. Ce foutu jeu d'acteur en casting me fracasse la tête. J'viens nulle part et c'est tant mieux. J'fais sans dilettante et j'finis devant. Juste attendre le temps que l'empire s'étende. On n'a pas besoin d'assistance, on est vite rodé. J'attends la suite, j'danse, navigue dans substance, vite monnaie. À quoi bon le faire pour qui? Ils font que courser la maille. Moi c'est mes rêves que je poursuis et je fais que repousser la faille. Mais le bonheur est dans le cash, donc je fais quelques sous, c'est la base. Et l'oseille crame comme la Cali, donc en fin de mois c'est la faille. Je mène à bout pour ma barque, ils boufferont pas ma part. Bordel, je suis dans mes pensées même quand elle passe à la part. Quelle est belle l'époque où je traînais ce foutu rap à la casa. Avant de finir par fuir cette fille comme enfant d'Alakazam. Vie n'est qu'un goût amer de clope, dès que j'ai rien à faire, je m'enferme et j'éclate des prods avec que j'ai rien à faire, c'est l'enfer dehors. Il dégoûte jusqu'à la crise de foi. En fait, je fais quoi là si je me foire? Faut que je prie, que je maîtrise le bail, donc faut que tu streames la piste de foi, ouais. J'suis jamais loin de chuter, j'suis jamais loin de chuter. J'suis jamais loin de chuter, j'suis jamais loin de chuter, hey. J'suis jamais loin de chuter quand démon frappe à la fenêtre. J'suis du mauvais côté du page qui caque ça à faire. Ça me fatigue quand je me lève, gros, je passe à la sieste. Ce foutu jeu d'acteur en casting me fracasse la tête. J'viens nulle part et c'est tant mieux. J'fais sans dilettante et j'finis devant. Juste attendre le temps que l'empire s'étende. On n'a pas besoin d'assistance, on est vite rodé. J'attends la suite, j'danse, navigue dans substance, vite monnaie. Et voilà, c'était Curden qui sera en concert donc du côté de la salle Le Fil ce 7 février à 20h30. Artiste stéphanois en première partie de A2H. Des places donc qui vous attendent pour ce concert, comme d'autres d'ailleurs, si on peut faire un petit tour d'horizon des concerts partenaires duo pour ces prestations attendues au mois de février, salle Le Fil. Vous aurez encore par exemple le plaisir de suivre et éventuellement assister via le concours. Donc n'hésitez pas, il s'agit tout simplement de nous adresser un mail. C'est la Synthé Dub qui aura lieu le 22 février prochain. Il y aura le fameux concert aussi coup de cœur duo, ce sera le 21 février avec Zone Libre et Marc Namour. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous serons en direct de la salle Le Fil à partir de 19h le vendredi 21 février prochain, avec rencontre auprès précisément de Cyril Bilbao, Serge Tessoguet et Marc Namour, que nous aurons le plaisir de retrouver au micro de Dio. Ce sera pour le 21 février. Gringe en concert le 15 février. Du blues le vendredi 14 février prochain avec Jérôme Paxton. Et suivez d'ailleurs l'émission Boogie, notamment, je pense, de ce mercredi 5 février qui devrait vous en dire davantage et vous proposer également quelques places à gagner. Et puis donc ce début de février également, et ce premier concert de ce mois avec ce concert partenaire A2H Curden ce 7 février. Il est grand temps de boucler ou presque ce programme des mots, des sons sensibles. Voilà, on a tout simplement le plaisir de vous annoncer une autre petite sortie discographique avec l'artiste Shannon Wright qui va sortir un album cette fin de semaine, ce 7 février. Alors, on suit depuis longtemps aussi cet artiste-là qui est américaine, qui nous vient de Floride. Elle a grandi à Jacksonville. Une artiste qui sévit dans la veine plutôt indie rock, qui est signée sur le fameux label Vicious Circle et qui sort cet album ce 7 février. C'est l'album Reservoir of Love qui sort chez Vicious Circle. Je vous propose tout simplement de découvrir un extrait de cet album qui est déjà sorti il y a quelques temps, annonçant cette sortie donc à venir ce 7 février. Nouvel album de Shannon Wright. C'est l'occasion de terminer ainsi. Ce sera en guise de générique de fin de ce programme. On se retrouvera donc, je le disais, semaine prochaine pour de retour sur ces ondes en vivant et en direct, étant en formation et aux rencontres régionales au RFM toute cette semaine. D'ici là, tout bon chez vous. Portez-vous très bien. Ciao, bye. Swim in your reservoir of love. I wanna